Dammi un tu ta ta tu tu ta tu tu ta ta tu tu ta tu tu ta tu ta tu tu ta tu ta tu tu ta tu tu. Dammi un grr. Un che? Un grr. Un che? Un che? Un grr. Un che? Un grr. Dammi un grr. Un che? Un grr. Un che? Un che? Un grr. Un che? Un grr. Fruta morena, con mi glow, like telenovela, move so slow.